Mosaïque. Bonjour et bienvenue dans l'émission Mosaïque sur la radio Isanganiro. Le retrait de 1000 militaires burundais en mission de maintien de la paix en Somalie alimente les débats au sein de la classe politique burundaise. À la fin du mois de février, les deux chambres du Parlement se sont réunies pour décrier cette mesure jugée injuste par certains. Peu avant, le président burundais Pierre Nkurunziza a également désapprouvé la mesure lors de la visite du président somalien Mohamed Abdullahi Farmajo le 19 février dernier. Pour le gouvernement burundais, le retrait devrait concerner tous les cinq pays contributeurs des troupes dans les mêmes proportions. Alors que sur les 1000 militaires prévus, moins de la moitié est arrivée au Burundi, plus de 600 militaires restent en Somalie. Pour rappel, en décembre dernier, l'Union africaine avait demandé au Burundi de rapatrier 1000 de ses 5432 soldats en Somalie pour la fin du mois de février 2019. Ce retrait fait partie des plans de l'Union africaine pour redéployer ses casques blancs en Somalie, alors qu'une armée nationale somalienne commence petit à petit à remplacer les troupes étrangères. La question de retrait des troupes burundaises est devenue une préoccupation des politiques. Dans cette émission, nous tenterons de savoir les avis de la classe politique burundaise sur l'opportunité de ce retrait. Pour en parler, nous sommes avec quatre invités. Honorable professeur Évariste Ngaïmenda, vice-président de la coalition Amizero y'Abarundi, bonjour et bienvenue dans l'émission Mosaïque. Bonjour et merci de l'invitation. Nous sommes également avec Olivier Nkurunziza, secrétaire général et porte-parole du parti IPRONA. Bonjour et bienvenue dans l'émission Mosaïque. Bonjour et merci de l'invitation. Nous accueillons également dans les studios de la radio Isanganiro, honorable Pierre Kavé Nahimana, président du parti Sawanya Frodebu. Bonjour et bienvenue dans l'émission Mosaïque. Bonjour et je transmets mes salutations à tous ceux qui nous écoutent. Nous sommes également avec Gabriel Banzawitonde, président du parti APDR. Bonjour et bienvenue dans l'émission Mosaïque. Bonjour et merci de l'invitation et je salue tous les auditeurs. Eric Ouimana assure la mise en onde, Jérôme Nyonzima assure la réalisation de Mosaïque, Pacifique Chouvahiro à l'animation de l'émission d'aujourd'hui. Je vous souhaite encore une fois la bienvenue. Mosaïque. Sans tarder, honorable Évariste Ngaïmenda, à votre avis, pourquoi le retour d'une partie des troupes burundaises engagées à Somalie pose problème? Je ne suis pas dans le secret des dieux, comme tu le sais, mais j'essaie de suivre la question d'assez loin, à travers les médias, à travers ce que vous nous servez. Ceci dit, je crois que ce retrait, effectivement, écouter ce qui se dit, ne pouvait poser que de problèmes. Il faut rappeler d'abord que la présence des troupes burundaises en Somalie, comme celle des autres pays, bon, quelque part, représente une certaine plus-value. Bon, c'est vrai que ça répond à un souci de rétablissement de l'État somalien, porté par l'Union africaine et les Nations unies, à travers des pays contributeurs de troupes. C'est vrai aussi que le Burundi et, je crois, l'Ouganda ont été parmi les premiers États à contribuer par rapport à ces troupes. Alors, par rapport à ces pays contributeurs, je pense qu'il y a quelque part un certain nombre d'avantages qu'il est utile de relever. En principe, ça contribue à accroître le savoir-faire des troupes des pays contributeurs parce qu'ils sont formés avant, ils apprennent à faire autrement quand ils sont sur le terrain parce que c'est quand même une expérience en pays étranger et c'est en plus une expérience internationale. Deux, ça contribue un peu à améliorer l'image du pays contributeur parce que le principe de base, l'hypothèse de base, c'est que quand on s'engage à ramener la paix dans un pays étranger, ça veut dire que vous l'avez, ça veut dire que vous l'avez fait chez vous. Ça contribue aussi à accroître les ressources des États à travers les impôts, à travers tout un tas de mécanismes, je crois, de location, de engins. On y trouve même un moyen, un prétexte de mobilisation, des interventions par rapport à la logistique. Et donc, il y a quelque part des retombées financières au niveau des États, au niveau aussi des troupes elles-mêmes, c'est-à-dire des individus. Et donc, quelque part, il y a des retombées positives sur les économies des États contributeurs. Et je crois qu'on a lu plein d'articles là-dessus. Enfin, dans le cas des pays qui sortent des crises et qui ont parfois besoin de dégraisser au niveau de leur corps, je crois que ça permet aussi de s'ajuster au niveau de la gestion de ces corps, au niveau de la régulation progressive des flux. Donc, il y a tout un tas d'avantages qui, du coup, s'estompent ou menacent de s'estomper. Donc, on comprend donc pourquoi il y a une certaine nervosité à l'idée du rapatriement, surtout que lorsqu'on écoute le gouvernement du Burundi, l'incompréhension vient du fait qu'il estime que si on devait dégraisser, il fallait absolument obéir à certains principes de proportionnalité. Bon, maintenant, je ne suis pas en stratégie militaire, pas exactement les critères qui sont pris en compte dans la décision des effectifs au niveau du dégraissement, le quota qu'on affecte à chaque pays. Là, il faudrait rentrer dans les critères qui sont pris en compte. Ceci dit, l'annonce avait été faite au mois de février. Ce que j'arrive difficilement à comprendre, c'est que les résistances s'observent pratiquement alors qu'il n'y a presque plus moyen d'autrement. Nous y reviendrons, professeur. Permettez que nous partageons la parole. Olivier Mourouziza, on sent qu'il y a des enjeux de plusieurs ordres par rapport à ce retrait. À votre avis, pensez-vous que le gouvernement burundais a raison lorsqu'il avance que le retrait devrait se faire dans les mêmes proportions que pour les autres troupes étrangères engagées en Somalie? D'abord, pour dire le retrait de ces militaires, comme le professeur vient de le dire, il faut toujours rappeler sa présence, l'objectif de la présence de militaires burundais en Somalie. Vous savez qu'il y avait le problème en Somalie depuis 1990, qui a été aggravé avec la présence de militaires des États-Unis en 1992 avec une opération qu'on a appelée Restore Hope et qui s'est soldée avec l'échec et qui a poussé qu'il y ait la destruction de l'autorité du gouvernement en Somalie. Alors, il y a eu la présence de seigneurs de la guerre là-bas. Alors, les militaires burundais étaient là pour aider, dans le cadre de l'Union africaine, pour restaurer la paix, de combattre les El-Shabaab qui étaient là. Toujours, il faut se rappeler de nos Burundais qui ont perdu leur vie, les militaires burundais, pour restaurer la paix en Somalie. Alors, la guerre qui a été provoquée en Somalie, c'est une guerre géostratégique et géopolitique. Si on se rappelle très bien, quand on regarde très bien, c'était une guerre qui est née là-bas avec la découverte des matières premières comme pétrole en Somalie. Alors, les États-Unis et l'Union européenne, avec le gouvernement qui était là-bas, peut-être ils n'ont pas eu la chance de négocier pour, bien sûr, pouvoir extraire la matière première là-bas. Ils ont préféré créer la guerre en Somalie. Mais aussi avoir la position géostratégique de la Somalie, qui est sur la côte de l'océan Indien, où la plupart des produits pétrolier passe dans l'océan Indien, plus de la moitié, mais aussi plus de 90% des produits, des conteneurs qui passent là-bas, qui fait aussi face avec le golfe arabe et aussi le détroit d'Hormuz, qui est vraiment des centres névralgiques économiques. Vous voyez que là-bas, c'est vraiment un milieu stratégiquement économique où les puissances économiques font des combats là-bas. Alors, avec la présence de la Chine, c'est sous forme de guerre froide. Alors, avec ces pays émergents qui sont là, par exemple, vous savez qu'en Soudan, où on a découvert la matière première, a été exploitée par la Chine jusqu'à aujourd'hui. Alors, mais pour justement, aujourd'hui, c'est la Somalie au niveau de la Alors, mer pour rouge, la Somalie, exemple, ça présente toujours un enjeu. Mais pourquoi, si on demande le retrait des militaires burundais, en soi, et que c'est décidé par l'Union africaine elle-même qui a contribué pour que financièrement ces troupes soient engagées en Somalie aujourd'hui, pourquoi le Burundi s'oppose? Alors, le Burundi, le gouvernement du Burundi, comme un pays africain, bien sûr avec la décision de l'Union africaine, d'abord a des raisons. Il y a la raison, la première, c'était de soutenir en fraternité le pays somalien pour qu'il y ait l'établissement de la paix. Avec le retrait des militaires burundais en Somalie, sans toutefois qu'il y ait implantation d'autres militaires somaliens bien formés, ça va provoquer encore des troubles à l'intérieur de la Somalie. Ça, c'est première chose. Est-ce que c'est le Burundi qui doit le juger? Attendez, le Burundi a le droit de juger étant un pays africain, a le droit de dire qu'effectivement, il faut soutenir le pays ami. C'est ce premier enjeu. Mais aussi, deuxième enjeu, c'est la façon dont on va retirer les militaires burundais. Premièrement, on va retirer plus de 1000 militaires, alors que ce n'est pas les militaires burundais qui sont présents là-bas eux-mêmes. Alors, vous voyez qu'il y a quelque chose qui se cache derrière. C'est pour dire que peut-être, là où il y a les militaires, comme quoi, par exemple. C'est ça ce que je vais expliquer. C'est-à-dire que les militaires burundais qui sont là, ils ont fait tout pour combattre l'ennemi, les Al-Shabaab. Alors, il y a d'abord restauration de l'autorité de la Somalie. Alors aujourd'hui, quand il y a la paix en Somalie, il y a des pays qui ne profitent pas de la paix parce qu'il y a des pays qui veulent appliquer la théorie du chaos. Pas mal de pays, quand il y a du chaos dans un pays, qui en profitent. Il y a des pays qui veulent alors que le pays comme Somalie soit toujours déstabilisé pour qu'il continue à piller et faire du mafia en Somalie. Honorable Pierre Claver Nahimane, au niveau du parti Sarwanya Frodebo, partagez-vous les mêmes avis qu'honorable Ngaïmenda ou Olivier lorsque un parle des enjeux importants pour le pays et Olivier qui parle justement que le Burundi ne devrait pas être le premier à retirer ses troupes dans des conditions différentes que d'autres pays contributeurs? Vous savez, c'est un débat assez complexe. Je me souviens en 2007... quand cette opération a commencé, il y a eu des voix qui se sont élevées, notamment au Parlement, pour dire qu'il faudrait que cette question, qui est une question très sensible, parce que la gestion des questions de sécurité, c'est une gestion très sensible. Il y a des voix qui se sont élevées pour dire qu'il faut que cette question soit débattue au Parlement, notamment, parce qu'il est prévu que lorsque des forces de défense de sécurité sont déployés à l'extérieur du pays, ça soit d'abord soumis à un débat au Parlement. Alors, ça n'a pas eu lieu, mais ces forces sont allées là-bas. Il y avait des inquiétudes, mais petit à petit, malgré les difficultés qui se sont avérées plus tard assez complexes, on a constaté que la force de défense burundaise menait des prestations très honorables. Tout le monde l'a constaté d'après les informations que l'on entendait à gauche, à droite. On l'a vu qu'effectivement, cette force était très opérationnelle et très efficace sur le terrain. On l'a compris. Malheureusement, je n'ai pas eu écho des débats qui auraient eu lieu au Parlement pour le suivi de cette question qui est très importante pour la nation. On a entendu à gauche à droite sur les médias des plaintes, ceci ou cela, concernant surtout les frais des militaires, mais sans rester là. C'est maintenant alors que ces troupes-là, cette force se retrouve dans une situation où on lui dit qu'il faut se retirer du terrain, que effectivement le débat commence à se sentir. Tant des avis à gauche à droite, il y a des qui sont contre, il y en a qui sont pour. Alors, je dois dire que effectivement, compte tenu de ce qu'on a vu, la présence de la force de défense burundaise sur le sol somalien était très importante et très utile. Ceci est clair. Alors, tout le monde doit se poser la question, pourquoi alors une force qui était opérationnelle, qui était très efficace sur le terrain, on lui demande de se retirer. Là, il y a peut-être des problèmes qu'on peut comprendre, d'autres qu'on ne peut pas comprendre. Parce que, comme je le dis, nous ne connaissons pas très bien la nature du contrat initial qui a été passé entre le Burundi et la Somalie et aussi l'Union africaine. Nous ne connaissons pas ce contrat parce qu'il n'a pas été soumis à la discussion au Parlement ou il n'est pas connu. Alors, est-ce que ce retrait respecte les contrats qui ont été signés? Ça, nous ne le savons pas. Mais c'est bizarre. Effectivement, tout le monde devrait se dire s'il y a retrait, ça devrait respecter la proportionnalité. C'est ce que d'emblée on peut se dire. Est-ce que maintenant c'est ça? Est-ce que c'est la seule condition qui prime? Est-ce qu'il n'y en a pas d'autres? Nous ne le savons pas. Mais force est de constater qu'effectivement, si on est Burundais, on est tenté de dire c'est une injustice patente. C'est clair. Mais les dessous de l'affaire, on ne peut pas les maîtriser. Sous réserve de la méconnaissance des conventions entre l'Union africaine et le Burundi, ainsi que la Somalie. Oui. Gabriel Banzawitton, au niveau du parti PDR, comment vous avez accueilli l'annonce de l'Union africaine par rapport au retrait des troupes burundaises en Somalie? 1000 militaires. D'abord, à ce sujet, pour notre parti PDR, c'est une triste réalité. Pourquoi? Le Burundi a porté volonté de céder les militaires pour sauver un pays de l'Afrique comme la Somalie, a intervenu dans différents combats avec les Al-Shabaab. Souvenez-vous que même novembre, on a dit qu'il faut diminuer les militaires, mais à tous les pays contributeurs. Mais on a attendu après que c'est le Burundi seulement. Au lieu de remercier le Burundi infiniment de sa part, vous voyez que c'est l'injure. C'est pourquoi nous disons que c'est triste réalité, puisque l'Union africaine a injurié le Burundi. Au lieu de remercier le Burundi, c'est l'acte louable qu'il a contribué. Mais pour nous, nous disons pourquoi le Burundi crie fortement, puisque avec cette histoire de coopération, je dirais qu'il y a trois étapes. D'abord, la première étape, c'est la loi. La loi est claire qu'on devrait retirer les militaires à travers les pays contributeurs. Mais vous voyez qu'on a tout simplement retiré les soldats burundais pour dire qu'il y a l'injustice en rapport avec la loi. Mais il y a une deuxième étape qu'on appelle, je dirais, mobile politique. Avec des mobiles politiques, on a constaté quand même que ce retrait est dit à des mobiles politiques. Il y a des mobiles politiques cachés derrière, entre peut-être l'Union africaine avec l'ancien patron de l'Union africaine qui était le président rwandais. Vous savez qu'il y avait des connivences avec le Burundi. Mais aujourd'hui, il a été remplacé par le président égyptien. Oui, mais avant, vous voyez que cette décision a été prise avant, pendant... Elle a été motivée lors de sa présidence. Oui, avec l'Union aussi européenne qui est, je dirais, que la première qui finance en Somalie. Troisièmement, il y a aussi ce qu'on appelle mobile diplomatique. Il y a aussi du côté diplomatique qu'on devrait jongler. Alors, le Burundi crie fortement, puisque vous voyez qu'avec la loi, le Burundi est toujours en bon terme qu'on devrait retirer 371 soldats. Mais vous voyez qu'on a dit qu'il faut retirer 1000 soldats. Mais avec ce mobile politique que je viens de citer, C'est pourquoi. Alors, ce qu'il est, c'est de faire la diplomatie, voir comment faire. Mais le Burundi devrait accepter, puisque c'est nos militaires, on n'a pas d'autre choix. Pour vous, c'est l'ex-président en exercice de l'Union africaine qui... Ce n'est pas lui-même. Il n'est pas le seul. Ce n'est pas le seul. C'est tout à fait, je dis que c'est mobile politique. Il y a d'autres comme l'Union européenne, mais aussi il y a d'autres. Les ennemis, je dirais, les ennemis du Burundi sont nombreux. Il y a même les Burundais qui ont soutenu cette décision, c'est-à-dire qui ont, amplifié que les Burundais et les soldats burundais puissent quitter le territoire somalien pour dire qu'il y a des mobiles politiques. Mais avec des mobiles de la loi, en rapport avec la loi, le Burundi est toujours en bon terme pour réclamer ses droits. Honorable Evariste Ngaïmenda, à votre avis, vous suivez de près certaines questions de la géopolitique. Pensez-vous qu'une telle mesure, derrière cette décision, qu'il y aurait des mobiles cachés ? Bien, c'est assez facile d'accuser la géopolitique, mais je crois que si on devait raisonner en termes de géopolitique, je crois que les enjeux géopolitiques, il est plus dans le sens de la stabilisation de la Somalie que dans le sens de la déstabilisation. Bon, comme Olivier l'a dit, c'est un pays très stratégique. Bon, le passage par la mer Rouge, c'est là, tout le monde sait. C'est une voie où passent beaucoup de flux. Et je crois justement qu'une des raisons de la présence de ces troupes, c'est un peu de sécuriser cette voie et d'aider à la restauration de l'État somalien. Maintenant, on ne peut que se perdre en conjecture. Hein. Ce retrait a effectivement lieu au moment où le Burundi a quand même pas mal de démêlés diplomatiques avec l'un ou l'autre voisin, mais aussi avec l'un ou l'autre donateur. Et par rapport à cet enjeu de troupes, vous avez plusieurs parties prenantes. Bien sûr, il y a la Somalie, il y a les pays contributeurs, il y a les contributeurs de troupes, mais aussi il y a les contributeurs de ressources matérielles, d'équipements qui ont sans doute leur façon d'apprécier. C'est vrai que, comme mon collègue a dit... À travers cette polémique, on a cité l'Union européenne. Bon, ça se dit toujours comme ça. Comme je te l'ai dit, je ne suis pas dans les secrets des dieux. Mais vous savez, chaque fois qu'il y a problème, c'est de bonne guerre aujourd'hui de citer le Rwanda, de citer l'Union européenne. Mais par rapport à ça, je n'ai aucune confirmation. Mais de façon ne serait-ce que théorique, il est clair que ces parties prenantes ont sans doute leur mot à placer. Parce que, souvenez-vous, même si effectivement, pendant de nombreuses années, les prestations de nos troupes ont été fort appréciées d'après les échos qui nous parvenaient, n'oubliez pas non plus que la plupart des fois que cette présence des troupes burundaises a alimenté la chronique, c'était toujours autour de l'irrégularité en termes de versement des soldes, c'était toujours en termes d'irrégularité, en termes de gestion de la logistique, en termes d'exportation des contradictions sociales et politiques que nous vivons ici et qui allaient jusqu'à être exportées de l'autre côté. Est-ce que vous ne pensez pas que tout ça peut avoir influencé juste les décideurs? Je crois que vous vous souvenez du dernier passage du président du Conseil Paix et Sécurité qui ne s'est pas très bien soldé ici dans le pays. Et donc, a priori, c'est un retrait donc qui éclabousse un peu l'image de marque du pays, et rien qu'à ce niveau, c'est tout à fait normal que ça énerve. C'est aussi, il faut qu'on se le dise, une perte de ressources pour le pays, malheureusement, et pour aussi les troupes elles-mêmes. Bon, l'un ou l'autre fondait son espoir de se restaurer matériellement sur l'une ou l'autre mission présente ou à venir. Mais là, il y a quand même des espoirs qui s'estompent. Et c'est tout à fait normal qu'il y ait des énervements. Olivier Nkurunziza, on parle de cette image qui pourrait être écornée par rapport à cette question. Mais tout de même, on parle de près de 2 millions de dollars qui entrent chaque mois dans le trésor public sur les paiements donnés aux militaires. À votre avis, ne pensez pas que l'enjeu financier pourrait être le premier à se faire prévaloir par rapport à cette décision de l'Union africaine? Oui, ça fait partie, parce que vous savez qu'il y a eu des problèmes depuis longtemps. Vous savez que l'Union européenne a gelé les dons ici au Burundi. Mais ils ont constaté que même il y a des fonds que le pays reçoit à travers les militaires. Alors, je me rappelle, il y a une année, au moment où l'Union européenne avait même décidé d'arrêter de payer les militaires burundais et a voulu que les militaires burundais soient payés directement et non pas sans passer par la banque centrale du Burundi, ce que le gouvernement du Burundi a contesté. Alors là, qu'est-ce que les mobiles qui se cachent toujours derrière, ces mobiles politiques, il y en a plutôt économiques, c'est pour dire que, pour voir comment fragiliser l'économie du Burundi, bien sûr qui est fragile, mais qui est un peu debout aujourd'hui. Ils disent, alors, pour que, bien sûr, politiquement, quand tu veux attaquer une personne politiquement, il faut commencer à le fragiliser aussi économiquement. Alors, aujourd'hui, on veut aussi passer par là. Mais pour nous, passer par là, ce n'est pas un problème quand on le fait dans la légalité. Aujourd'hui, c'est qu'on veut encore retirer les militaires burundais qui sont meilleurs sur le terrain, qui ne sont pas accusés d'aucune faute, peut-être. Mais aujourd'hui, on décide de prendre les militaires burundais, de les retirer le premier, sans toutefois toucher les militaires plutôt ougandais et éthiopiens, peut-être, qui sont là. Alors, pour nous, les troupes du Kenya qui sont là toujours. Mais il faut savoir aussi que le Kenya est en conflit avec Somalie. Mais on prend les militaires burundais. Alors, pour moi, les questions sont les deux. Soit c'est pour créer encore une fois du chaos en Somalie, pour qu'on continue, bien sûr, de faire, de piller, d'aller pêcher sur les côtes somaliennes sans toutefois respecter la loi, mais aussi de faire passer n'importe quoi. Parce qu'on voit que le pays, quand le pays est stable, c'est très difficile de faire ce qu'on veut. Mais comme le pays aujourd'hui est stable, il y a ces pirates, mais aussi il y a d'autres puissances qui utilisent des profits avec le chaos, qui veulent encore que le chaos revienne pour encore profiter. Ça c'est deuxième. Vous avez quand même, évoqué des enjeux pour les pays occidentaux, notamment par rapport au trafic maritime à travers la mer Rouge. Est-ce que pensez-vous qu'ils auraient intérêt à ce que la Somalie reste un pays moins sécurisé alors que le trafic pourrait en pâtir? Les raisons sont les deux. Pour les raisons pour que le pays du Somalie reste toujours en chaos, c'est très avantageux pour les deux pays. Quand, par exemple, il y a des pays compétiteurs qui se trouvent dans un pays, qu'il y a, par exemple, la matière première dans ce pays, qu'il y a des réserves, vaut mieux empêcher les pays qui peuvent aller négocier et laisser la matière première comme ça, sans toutefois être exploitée, pour empêcher la montée de ces pays. Ça, c'est vraiment des analyses qu'on peut faire d'une façon économique en matière première. Alors, il y a des intérêts alors d'empêcher ces pays, d'en les exploiter, vaut mieux les empêcher pour ne pas faire des contrats avec des gouvernements forts. Il faut alors créer des gouvernements faibles, divisés, pour les empêcher de faire ces concessions à ces pays. Ça, c'est vraiment une analyse qui peut se faire à travers là. Mais troisièmement, pour notre cas, pour le Burundi, on veut aussi empêcher le Burundi, peut-être, qui preste très bien sur télé, mais aussi qui empêche les Al-Shabaab de faire des dégâts sur télé. On veut alors retirer les militaires burundais pour que ces Al-Shabaab recommence à créer du chaos dans ce pays. C'est ce que je pense. Pour moi, alors, dans ce cas, le Burundi a le droit de réclamer d'aider les Somaliens, alors que nous savons que même le président somalien est venu ici au Burundi pour demander aussi l'appui du Burundi, pour dire qu'ils ont travaillé, que ce n'est pas eux qui ont demandé le retrait de ces militaires, parce que le Somalie n'est pas prêt, ils n'ont pas encore formé les militaires pour les remplacer valablement. Alors ce n'était pas le temps pour le Burundi de retirer les militaires. Vous voyez qu'il y a les enjeux qui se cachent derrière. Mosaïque. L'émission, c'est Mosaïque, vous l'avez entendu, le retrait de 1000 militaires parmi les troupes burundaises engagées en Somalie pose problème. Et dans l'émission Mosaïque d'aujourd'hui, nous sommes entrés pour recueillir les avis de la classe politique burundaise sur l'opportunité de ce retrait. Nous sommes avec quatre invités, honorable professeur Évariste Ngaïmenda, vice-président de la coalition Amizero ya Barundi, Olivier Ngurunziza, secrétaire général et porte-parole du parti UPRONA, honorable Pierre Claver Naïmana, président du parti Sawanya Frodebu, et Gabriel Banzawitonde, président du parti APDR. Honorable Pierre Claver Naïmana, la décision est déjà prise et selon l'Union africaine, elle ne peut plus être changée. Tout de même, le Burundi, en contestant, propose un sommet des chefs d'État des pays contributeurs. Aujourd'hui, pensez-vous que la démarche burundaise suit les normes qu'il fallait suivre pour réclamer l'égalité à travers le retrait de ces troupes? Encore une fois, le manque d'informations vérifiables sur cette question ne nous permet pas de bien appréhender le problème. Vous savez, on aurait été beaucoup plus à l'aise si, par exemple, le Parlement avait déjà appelé le ministre de la Défense, le ministre des Relations extérieures et d'autres ministres concernés pour qu'ils y donnent des informations vérifiées sur la façon dont ça s'est passé. Mais vous avez entendu que si le besoin se faisait sentir, il y aurait possible. Certains auraient même réclamé le retrait de tous les militaires engagés en Somalie. Maintenant, nous ne savons même pas si la décision concerne uniquement ces 1000 militaires ou si c'est un retrait de tout le monde. Nous ne le savons pas. Donc il y a des zones d'ombre sur cette question. Si, par exemple, il s'agissait de retirer 1000 militaires burundais, je ne sais pas s'ils l'ont fait parce que le Burundi là, est par ordre alphabétique. Et si jamais, après, on va retirer 1000 de l'Ouganda et 1000 de je ne sais pas quel pays. Là, peut-être, ultérieurement, on pourra comprendre. Mais pour le moment, il y a des zones d'ombre qui sont incompréhensibles. Est-ce que maintenant, la démarche que le pays est en train de faire pour essayer de stabiliser la situation, je pense que ce sont des démarches qui aurait dû être faite bien avant pour se prémunir contre ce genre d'événements, contre ce genre de fait qui est considéré comme un acte contre le Burundi. Alors, si vous le faites alors que la décision a été prise, alors que ceux qui ont décidé, ils ont dit, on ne retourne pas en arrière. Vous allez le faire pour quoi faire? Est-ce qu'on a déjà entendu qu'il y a des militaires qui sont déjà ici sur place? Est-ce qu'ils vont retourner là-bas? Je ne crois pas. Alors, la démarche qui est engagée, la démarche diplomatique, politique, qui est engagée par l'État du Burundi, c'est peut-être pour essayer de faire comprendre à l'opinion nationale qu'il y a quelque chose qui est en train d'être fait. Peut-être que ça aboutira à ce que les 4000 qui restent, on ne les traite pas de la même façon. Mais je doute fort qu'on arrive à faire de sorte que les 1000 sur lesquels on a déjà décidé puissent retourner là-bas. Je pense qu'il fallait engager beaucoup plus de démarches politico-diplomatiques bien avant pour s'assurer que tous les partenaires qui ont un mot à dire sur cette question soient d'accord pour tenir de bonnes mains le Burundi, pour que des mésaventures pareilles ne nous arrivent pas. Il fallait faire cette démarche bien avant et la renforcer. Maintenant, le mal est fait. Qu'ils essaient de faire quelque chose, mais le résultat sera limité. Sur les 1000 dont on parle, je pense que finalement, ils vont rentrer. Ça, c'est clair. la démarche, on doit la faire, parce qu'on ne peut pas laisser comme ça. On doit la faire, mais le résultat sera très difficile à apprécier. Gabriel Banza, à 8 ans, pensez-vous que le Burundi n'a pas été diligent pour défendre ses droits avant que la décision soit prise, ou il y a encore moyen que ces 1000 militaires restent encore en Somalie, même si 400 sont déjà arrivés? Il faut que la population burundaise le sache. Depuis 2015, il y a les ennemis du pays qui veulent voir que le Burundi tombe en chaos, comme aussi la Somalie, comme en Irak, etc. Alors, ils ont tenté, mais ils ont échoué. Jusqu'à maintenant, ils voient que c'est le moyen qui reste et de récupérer, de chasser les militaires burundais qui sont là, puisqu'ils pensent que les moyens que le Burundi utilise émanent de la Somalie. Les devises que le Burundi utilise émanent de la Somalie. Voit que qui reste avec pour le Burundi, c'est la Somalie. C'est pourquoi je dirais que, comme Alpha Blondé a dit, que les seuls imbéciles ne changent pas. Ces mêmes éléments ont toujours poursuivi le Burundi à ce qu'il voit que le Burundi tombe en chaos. C'est ça, comme je vous ai dit, que avec la loi, le Burundi est toujours en bonne démarche, mais avec mobile politique, vous voyez ce qui s'est passé. Alors, pour moi, je dis que comme la décision a été tombée, émanant des conseils de sécurité des Nations Unies, de l'Union africaine, pour récupérer encore cette décision, c'est encore que le Conseil de sécurité soit réuni, alors ce qui n'est pas possible. Donc, le Burundi devrait accepter comme ça d'accueillir nos soldats, puisque c'est nos frères, c'est les enfants du Burundi. Il n'y a pas d'autre choix. Il n'y a pas d'autre choix, n'est que tout simplement la diplomatie. Et n'oubliez pas qu'ils peuvent arriver ici au Burundi et des mois, bien après demain, on sollicite même 2000 militaires. Ou bien on sollicite même 3000 militaires pour dire qu'il faut continuer donc la démarche diplomatique en fait que le Burundi continue à plaider à travers voie diplomatique, comme on a dit. Il y a ceux qui ont proposé, si la mesure reste maintenue, qu'il faudrait même retirer le reste des troupes engagées en Somalie. Il reste plus de 4000 si les 1000 militaires retournent au Burundi. Pensez-vous que ça sera une bonne réponse par rapport à la démarche décriée de l'Union africaine? Alors, c'est comme mon frère de président de Frodebo a dit, il fallait nous montrer le contrat, puisqu'on ne sait pas ce que le contrat dit. Si le contrat dit, si on récupère les uns, il faut donner les autres, ça ira. Mais si ce n'est pas comme ça, il ne faut pas retirer les autres, puisque vous savez même que ces 4000, ils vont être remplacés par aussi d'autres 4000. Avant que même le pays bénéficie, il y a aussi les militaires qui bénéficient. Il y a des familles de militaires. Il y a les militaires qui en bénéficient. Mais aussi, il y a l'image du Burundi toujours en maintien de la paix. C'est pourquoi je dis qu'il faut laisser ces 4000. Comme on l'a vu en Centrafrique, on a chassé tous les policiers. Mais comme on a retiré 1000 soldats, il faut accepter ces 1000 soldats, mais continuer cette démarche diplomatique. Mais en restant 4000, si le contrat nous dit qu'une fois retiré la moitié ou bien une partie, il faut aussi donner les autres. Olivier Murunziza, pensez-vous que le Burundi a ses chances de garder toutes ses troupes en Somalie? D'abord, la chance du Burundi est que les militaires qui sont retirés, ce ne sont pas les cas d'indiscipline, mais ce sont des cas de mobiles politiques ou diplomatiques qu'on vient d'évoquer. Alors, ça, c'est la chance parce que les Burundais sont vraiment des meilleurs et ils ont bien travaillé, mais aussi sont aimés par le peuple somalien. Ce ne sont pas les peuples somaliens qui contestent les Burundais. Mais aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas trop sauvanté? Si on va en Ouganda, est-ce que les Ougandais ne pourront pas chanter les louanges des militaires ougandais en Somalie? Moi, ce qui m'intéresse, ce sont les militaires burundais, je ne sais pas. Mais à savoir, aujourd'hui, les Burundais sont appréciés. C'est d'abord la chance pour les Burundais. Ils peuvent revenir y retourner. Mais aujourd'hui, avec la décision de 1000 militaires, c'est une décision qui a été prise par le Conseil de sécurité de l'Union africaine. Mais quand il y a aussi une décision qui peut être prise par les présidents, aura aussi le poids plus que le conseil, parce que c'était même le président qui avait décidé, ce n'était pas le conseil. C'est la raison pour laquelle le Burundi plaide pour que les pays contributeurs s'assoient ensemble pour analyser. C'est ça. Aujourd'hui, alors, question technique. Et si le retrait de ces militaires burundais porte chance au reste de, pour les quatre pays contributeurs qui restent, pensez-vous que l'Ouganda, l'Éthiopie, la Djibouti, le Djibouti et le Kenya pourront soutenir le Burundi? Bon, pour moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de savoir effectivement la façon dont on va retirer les militaires. Est-ce que quand on retire les militaires burundais, à condition avec les contrats qu'on a signés ou qu'on a même décidé, il fallait que les militaires burundais ou les troupes étrangères qui se trouvent en Somalie soient remplacées par les militaires somaliens qui sont bien formés, qui peuvent maintenir la sécurité. Aujourd'hui, est de savoir, est-ce que les militaires somaliens sont bien formés pour remplacer les Burundais? C'est la raison pour laquelle même les militaires burundais ont dit oh, il faut retirer au moins tout le monde, parce que du côté technique, il y aura l'incident. Parce que nos militaires qui occupaient les positions et qui protégeait les milieux, c'est à travers le milieu qu'on occupait, c'est là occupé par les Al-Shabaab, et c'est là des points faibles pour attaquer le reste de nos militaires. Au lieu que les Burundais... Peut-être qui se trouvent, d'abord les militaires somaliens, peut-être qu'ils pourront être délogés par... Alors que le président somalien a dit qu'ils n'étaient pas prêts. Vous voyez qu'il y a toujours un problème. Alors c'est la raison pour laquelle le souci est que si les militaires burundais, militaires se retirent, c'est au risque aussi de fragiliser les quatre militaires qui se trouvent sur le terrain, parce qu'ils ne seront pas protégés, parce que les positions qui étaient occupées par les militaires burundais seront occupées par les Al-Shabaab, et c'est là les points faibles pour attaquer les militaires qui restent. Voilà au plan technique sur les soucis des Burundais. Alors, nous sommes là pour aider les étrangers, mais aussi pour se protéger. Alors, au lieu de laisser les quatre militaires, ou au lieu de créer les failles à travers le cœur, ou au lieu de créer les failles à travers le cœur, les Al-Shabaab vont passer pour tuer les autres militaires qui se trouvent dans des milieux un peu retirés. Vaut mieux les retirer. Alors, pour moi, j'ai lu la lettre que l'ambassadeur de l'Éthiopie a écrit au représentant de l'Union européenne, du Conseil de sécurité. Ils ont dit, vous n'avez même pas respecté les normes. Il fallait d'abord retirer les militaires qui se trouvaient sur les coins les plus éloignés, avant de retirer les militaires qui se trouvaient sur les points plus proches de l'aéroport, sur lesquels les Burundis vont prendre l'avion. Alors, si vous commencez à retirer les militaires qui se trouvent tout juste à côté des aéroports, alors, les militaires qui se trouveront loin, au moment de retour, ils risqueraient de rencontrer les embuscades des Al-Shabaab. C'était toujours le problème de sécurité. Alors, retirer les militaires burundais, c'est créer l'insécurité de d'autres militaires qui se trouvent là-bas. Parce que les Burundais disent qu'ils n'ont pas de confiance totale à ces militaires somaliens. Et le gouvernement somalien accepte encore qu'ils ne sont pas toujours prêts d'occuper cet espace que les militaires burundais occupaient. Voilà, il y a le souci aussi de sécurité. Mais pour justement aider la Somalie à rester en sécurité, toutefois, toute décision de l'Union africaine sur les troupes burundaises, toutes les troupes engagées en Somalie, puisse satisfaire tous les pays, que faire justement par rapport à cette question pour que le retrait de ces militaires ne pose pas problème? C'est de s'asseoir ensemble et voir techniquement. D'abord, assurer les troupes burundais que lors de retrait de ces militaires, qu'on garantisse les militaires burundais qui restent là, que ceux qui vont occuper le terrain seront capables de protéger les autres qui se trouvent ailleurs. Parce que c'est à travers de ces positions que les militaires burundais occupés, dans lesquelles ils vont quitter, d'autres, ils ont la peur que les Al-Shabaab vont occuper ces milieux parce que les militaires somaliens ne sont pas bien entraînés pour résister contre ces attaques. Alors, pour moi, je trouve que la réunion est très nécessaire pour qu'on en parle la façon dont ils vont se retirer, parce que les Burundais, ils ne vont pas s'éterniser effectivement à Somalie. À un moment, ils vont retourner parce que ce ne sont pas des militaires somaliens, les Burundais en ont besoin. Mais comme nous étions là pour aider les Burundais, mais il ne faut pas qu'ils quittent au moment où que nos Burundais qui se trouvent là-bas encore restent en difficulté. Honorable Évariste Ngaïmenda, vous trouvez la décision de l'Union africaine comme un fait accompli ou c'est difficile de changer la décision, mais tout de même, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour qu'un tel retrait, que ce soit pour ce retrait de milliers militaires ou d'autres, ne pose pas problème? Je crois qu'il y a toujours un peu d'incertitude liée à l'insuffisance peut-être d'informations. Comme tout à l'heure, le président du Frodebo l'a dit. Bon, ceci dit, Kalamisom a été créé. Il était entendu qu'il devait contribuer à former la force de sécurité somalienne pour plus tard envisager la relève. Alors, la décision a été prise au mois de décembre. Et c'est à quelques jours de la mise en œuvre de cette décision à la fin du mois de février qu'on entend l'autorité, la plus haute autorité somalienne, dire que le pays n'est pas prêt. Ouais. Est-ce que cela a été dit en décembre? Est-ce qu'on peut penser que l'Union africaine a pris cette décision sans en référer, ne serait-ce que minimalement, au gouvernement somalien pour lequel cette AMISOM est faite? Voilà la question. Ouais. Et de mon point de vue, ça me surprendrait que cette décision ait été prise à l'insu ou contre la volonté du gouvernement somalien. Bon, ceci dit, je ne partage pas tellement la théorie du chaos. Quand bien même la Somalie regorgerait des ressources convoitées par les puissances internationales, quand bien même la façade maritime serait très, très, très passante, ce qui est très vrai, je crois que tout ça est bénéfique quand il y a un minimum de stabilité, un minimum de sécurité, de paix, que quand il y a le chaos. Et on comprendrait difficilement d'ailleurs que les mêmes gouvernements qui se sont investis pour la création et l'équipement de la MISOM s'investissent aujourd'hui dans le désengagement afin de restaurer le chaos. Alors, si réellement il était établi que le retrait des 1000 militaires créerait l'insécurité pour les 4000 restants, je crois que le gouvernement du Burundi n'aurait pas d'autre choix que d'y faire face, parce qu'il a quand même la responsabilité de faire tout ce qui est en son pouvoir pour s'assurer que les 4000 restants fonctionnent dans des conditions sécuritaires normales, qu'ils ne soient pas exposés. Maintenant, est-ce que c'est vrai ou bien c'est une façon d'argumenter? Bon, je n'en sais rien, je ne peux pas en dire plus. Mais je me souviens aussi que déjà au début de la mise en œuvre de cette force, je crois que jusqu'au tour de 2011-2012, son mandat était renouvelé tous les 6 mois ou par an. Ça veut dire que quelque part, il était tout naturellement entendu comme toute autre mission de maintien de la paix, que tôt ou tard, devrait progressivement céder au pays aux troupes somaliennes. Évidemment, cette question de 1000 Burundais subsiste. Pourquoi on n'a pas respecté la règle de la proportionnalité? Est-ce qu'on doit ou on devait nécessairement respecter la règle de la proportionnalité, ou il y a peut-être d'autres critères dont on tient compte? On évoque du précédent de 2017. Je n'en sais rien, mais ça m'étonnerait qu'il n'y en ait pas. Et s'il était établi, bon, comme mes deux collègues viennent de dire, qu'il y a toujours des ennemis qui travaillent à créer le chaos au Burundi ou à l'appauvrir, qu'est-ce que vous voulez que j'en dise? Là, je ferai un clin d'œil au gouvernement du Burundi pour qu'il travaille à la restauration de son image et de marque et à créer des relations qui lui soient beaucoup plus profitables et qui ne lui attire plus l'inimitié de ses partenaires. Honorable Pierre Claver Nahimana, au niveau du Frodebo, qu'est-ce que vous conseillerez pour que le retrait de ces militaires ne soit pas source de conflit? S'il s'agit de 1000 soldats dont on parle ici, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il n'y ait pas un choc au niveau de ce retour? Je parle du choc au niveau national. Parce que lorsqu'on parle de conflit, on a évoqué ce qui pourrait se passer en Somalie. Est-ce que nous devons réfléchir pour savoir ce qui doit être fait en Somalie pour que ce retrait n'entraîne pas d'autres difficultés en Somalie? Et tout à l'heure, sur les réseaux sociaux, on entendait qu'à Mogadiscio, il y a eu une attaque sanglante. Est-ce que maintenant c'est la conséquence? Je ne sais pas. Mais pour le Burundi, pour qu'il n'y ait pas un choc de ces 1000 personnes, 1000 soldats qui vont revenir, qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, il faut tranquilliser l'opinion. Parce que, en fait, c'est des enfants du Burundi qui reviennent dans leur pays. Ceci est clair. Donc, il faut tranquilliser l'opinion que ce n'est pas une catastrophe. Lorsque des enfants du pays, des militaires reviennent dans leur pays, c'est normal. Donc, il faut tranquilliser d'abord l'opinion. Ensuite, il faut que le gouvernement se prépare bien à les accueillir, à les intégrer dans leur corps de façon digne. Je pense que c'est ça surtout qu'il faut faire. Alors, maintenant, sur le plan diplomatique, on l'a dit, il faut que le gouvernement engage une offensive diplomatique régulière avec tous ces pays, toutes ces organisations qui ont quelque chose à dire sur nos militaires qui sont en Somalie, pour que les 4000 qui restent, ils ne soient pas peut-être traités de la même façon. Parce qu'on ne sait pas jusqu'à présent, est-ce que ces militaires qui sont en Somalie, les 4000 qui restent, ils vont aussi être envoyés au Burundi de la même façon d'ici quelques mois? Ça, on ne le sait pas. Donc, il faudrait que le gouvernement engage des démarches diplomatiques pour que cela ne se fasse plus de cette façon-là. Et au niveau du Frodebo, ce qui nous intéresse le plus, c'est que nous l'avons compris, ces militaires qui sont allés en Somalie, ils ont pris de l'entraînement. Ils savent maintenant comment faire. Alors, dans le cadre de l'accord d'Arusha, nous nous sommes intéressés d'avoir une force forte, une force de défense nationale forte, professionnelle, nationale. Qui a acquis une expérience à l'étranger. Voilà. Donc ça nous intéresse. Donc, pour cela, nous ne sommes pas mécontents qu'ils soient formés. Le reste, les considérations qu'il y a sur cette question de retrait, elles sont mitigées parce que nous ne maîtrisons pas toute l'information. Gabriel Evanza Witonde, qu'est-ce que pensez-vous par rapport à ce qu'il faudrait faire pour que ce retrait ne soit pas source de conflit? Source de conflit en Turquie et qui? Si le Burundi est engagé, d'abord au Burundi, nous sommes le deuxième pays qui a pris des militaires après l'Ouganda. Pour dire que si l'Union africaine qui a accepté nos soldats en tant que 5400 combis, il vient de décider de nous donner 1000 soldats. Alors le combat qui reste est que le Burundi accepte de rester avec 4000 là-bas ou bien de retirer ces 4000. C'est ça ce qui reste. Il n'y a pas de combat entre qui et entre qui. Il y a beaucoup de pays ici en Afrique qui ont aussi des militaires. Mais si l'Union africaine a décidé le retrait de 1000 militaires, et si demain l'Union africaine décidait le retrait de 2000, ça poserait encore plus de problèmes. Moi, le parti APD, ce n'est pas un parti au pouvoir. Il y a un parti au pouvoir, il y a aussi les dirigeants. Moi, j'ai fait ce qu'on appelle le constat. Si le Burundi, il n'y a pas de combat entre le Burundi et l'Union africaine, ce qui reste, c'est le choix est clair. Le Burundi accepte ces 1000 et reste avec 4000. S'il voit que la sécurité est menacée avec ces 4000, nous récupérons nos soldats, ils viennent ici au Burundi. C'est fini, il n'y a pas un problème. Ils sont toujours les bienvenus. Bienvenue, c'est nos enfants. C'est ce qu'il est. Il n'y a pas de conflit entre qui. Ce qui s'était passé, je vous dis que c'était la réclamation de la loi, puisque la loi était claire. En novembre 2018, on a décidé de retirer 1000 soldats à travers tout le pays. C'était clair. Mais je vous ai dit que c'est mobile politique qui a gagné, qui est mobile de la loi. Alors, le Burundi était en train de réclamer le droit. Comme le droit vient d'être échoué, alors le choix est clair. Vous laissez 4000 ou bien vous faites retourner 4000 et le conflit est terminé. Voilà, c'est la fin de l'émission Mosaïque. Dans Mosaïque d'aujourd'hui, nous débattions autour du retrait de 1000 militaires burundais engagés en Somalie, une décision de l'Union africaine qui n'a pas été saluée par le gouvernement burundais. Dans ce studio, nous étions avec quatre invités. Nous disons merci à l'honorable professeur Évariste Ngaïmenda, vice-président de la coalition Amizero Yabarundi. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Mosaïque. Merci également de m'avoir invité. Merci aussi à ceux qui nous ont écoutés. Nous disons également merci à Olivier Mourounziza, secrétaire général et porte-parole du parti IPRONA. Merci beaucoup de m'avoir invité et je vous remercie même pour la fois prochaine. Si vous m'appellerez, je serai présent. Nous disons également merci à l'honorable Pierre Claver Nahimana, président du parti Sarwanya Frodebu. Merci beaucoup pour nous avoir invités pour le débat sur cette question très importante pour la nation burundaise. Nous disons également merci à Gabriel Banzawitonde, président du parti APDR. Merci d'avoir été de notre dans l'émission Mosaïque. C'est moi qui vous remercie infiniment. Jérôme Nyonzima a assuré la réalisation de cette émission. Eric Wimana était à la technique. Pacifique Chubahiro qui animait Mosaïque d'aujourd'hui. Je vous souhaite de continuer à suivre les émissions de la radio Isanganiro. Mosaïque.